enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Ce qui me fait plaisir ce soir, c'est de vous dire bonjour, bonsoir, bonne nuit. Ça dépend, le fuseau horaire. Souvent, on le perd. Écoutez, moi, j'ai travaillé nuit longtemps. J'en avais plus. Encore là, aujourd'hui, il y a 28 ans de nuit, ça chambranle un Québécois moyen. Ça le met dans tous ses états. Puis quand je m'en vais ailleurs, dans d'autres pays où l'heure n'est plus la même que chez moi, on appelle ça le décalage horaire. J'en ai pas de décalage horaire, oui. Je le sens pas, le décalage horaire, moi. Parce que je suis constamment en décalage horaire depuis à peu près ma naissance jusqu'à maintenant. Dormir, pour moi, là, c'est très difficile. C'est comme fermer un bouton pour amener la stagnation. C'est impossible. Même quand je dors, quand j'arrive à dormir, je rêve, mais je rêve. Vous allez... Ouais, les gens qui me connaissent le savent très bien. C'est certain. Ah, tu travailles plus de nuit, je le sais. Mais tu arrives chez toi, il est minuit moins quart après le boulot. Tu manges. Tu manges, mais tu manges quelque chose de pas très léger, souvent pas très léger. Un steak. Un steak. Et un steak en brochette, en bavette. Mais enfin, de la viande. Tu bouffes de la viande avant de te coucher. 15 minutes après, t'es à l'horizontale. Tu cherches les étoiles. Où sont les étoiles? Où sont les étoiles? Où sont les étoiles? Ben oui, mais hey! Bouffe de la salade. Non, Jean-Pierre Coff me reprend à cet instant. C'est pour ça que je rencontre des artistes. Ils me reviennent, comme chantait Brigitte Fontaine. Il me revient à la mémoire. Même l'autre, là, le chanteur, il me revient à la mémoire des souvenirs familiers. Comment ça, il n'y a pas d'écho? Oh, ça, c'est de l'écho, hein? Tu cherches l'écho, il est là. Vas-y, écho! Aïe, aïe. Aïe, aïe. J'ai souvenir de la mémoire des familiers qui m'en est à la mémoire des souvenirs familiers. C'est beau avoir de la mémoire, mais ça donne mal à la tête. Hey, les hamsters, les psychologues et toutes tous nos amis qui travaillent sur le cerveau humain, les neurologues. Là, je sais qu'il y a des professionnels, ils mêlent tout, ils mêlent la neurologie, ils mêlent la numérologie, ils mêlent la maboulogie, ils mêlent son logis, ils mêlent même sa vie avec la vie des autres. Tu sais, lui, c'est le genre d'envieux. C'est un envieux. C'est un vieux envieux. De vieux envieux, hein, ça ressemble à du Brel. De vieux envieux. Mais comment ça, l'écho fonctionne pas? Voyons. Allô? Ben oui, mais monte ton son, tu vas l'avoir. Mais j'essaie, allô, essaie. Oh, avant de prendre les bouchons doubles, là. Attendez un petit peu. Ouais. Oh. Ça fonctionnait tout à l'heure, puis là, ça fonctionne plus. Mais là, t'en mets trop d'écho. Arrête-le. Bon. Devant, ça me dérange, moi, devant vous, madame, mademoiselle, monsieur, de faire mes ajustements sonores sur vos tympans qui coulent. Excusez-moi, je vais vous... oui, je vais vous acheter exactement des éponges ou des papiers mouchoirs, histoire de vous éponger lorsque vous saignez. Envoyez-moi ça dans une enveloppe. Et puis, je vais analyser tout ça, puis je vais vous dire si c'est vraiment mon émission ou ce que vous écoutez chez vous sans me le dire, là. Parce que, tu sais, on est des gens, on dit pas toute la vérité, là, hein? Est-ce qu'il y a des personnes... En 2017... qui ne cache rien, qui demeure aux yeux de tout le monde un grand livre ouvert, et comme je le... ça, c'est un mot cru, un grand livre ouvert à la page 69. Oui, je sais, j'ai la voix qui flanche. J'ai une coqueluche, une troisième dan, ceinture noire. Exactement. C'est Bruce Lee. C'est sur ma corde vocale. Bruce Lee poignarde ma corde vocale actuellement. Mais poignarde juste avec ses mains. Voilà. C'est pour ça que des fois, ça coupe. Arnaud a fait son succès là-dessus. Chanteur québécois, Éric Lapointe fait sa carrière là-dessus. Tom Waits fait sa carrière là-dessus. Il y en a-tu du monde? Mais mélangez pas Tom Waits et puis Éric Lapointe. Rien à voir. Un qui enrichit la musique, c'est Tom. Et l'autre qui... c'est l'autre. Sinon, moi, ma petite dernière a fait ses dents. Elle a fait toutes ses dents en une nuit. Je pensais pas qu'un humain pouvait avoir autant de dents. 88 dents en une nuit. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, ma petite Junette? Je l'appelais Junette. Comment? Je me dois de l'appeler Ginette si je voulais appeler Gertrude, mais j'ai dit Ginette. J'avais le choix entre Gertrude ou Ginette. Je voulais que ça gicle, là. Je voulais que ça jubile dans ma bouche. Je voulais, quand je la nomme, là, mes joues, un peu comme l'écureuil, se remplissent d'air. Je le sais, c'est malade comme ça, ma vie, moi. Ça fait qu'elle a fait autant de temps que ça, dans une seule nuit. Je croyais, là. C'est mon interprétation. On parle souvent, hein, la semaine dernière, l'interprétation. Je la regarde. Il est 3h15 du matin. Non, 3h25. En tout cas, je ne sais plus. Moi, j'ai tout enlevé les horloges. Depuis que j'ai un enfant, j'ai tout enlevé les horloges parce que ça me mêle. Puis quand je me mêle là-dessus, c'est comme si... je fonctionnais selon ce que je voyais. 2h du matin, là, quand j'ouvre un œil, oh, il est 2h du matin. Quand j'ai pas d'horloge, j'ai pas de source, mon cerveau ne se plonge pas dans le cursus, là. Il est pas à la recherche de, tu sais, il se met pas au diapason. C'est un peu comme si tu enlevais le GPS. Pas de GPS, là, ça va bien. J'ai placardé aussi mes fenêtres. Quand tu as un enfant, placarde tes fenêtres, il faut qu'il s'assoie sombre, nuit, en plein jour, 24 heures sur 24. En fait, déménage en Islande. À quel pays dont il fait noir 24 heures sur 24 pendant quelque temps, là? Faudrait vérifier ça, puis avec ma nouvelle concubine, parce que je reste plus avec celle que j'ai faite un enfant, c'est classique, là. Je fais un enfant, après ça, je change de fille, voyons donc. Et puis donc, il faudrait savoir, là, à quel moment faudrait déménager pour avoir une vie nocturne pendant 6 mois. Histoire, moi aussi, là, de couper avec la réalité. C'est important de couper avec la réalité. Quand tu as un enfant, il faut que tu coupes. Ben oui, je sais que les infirmières, là, qui travaillent dans ce milieu-là, non. Non, non, non, non, tu restes centré. Ah oui, moi, je reste centré sur mon enfant. pas centré sur la vie, mon enfant. Là, actuellement, là, pendant les 6 premiers mois, c'est lui qui prime. C'est pas le reste, là. L'important, c'est pas la rose de Gilbert Bécaud, c'est le petit qui vient de venir au monde. Puis il faut les entraîner à un moment donné. C'est, après les 6 mois, c'est ça qui est difficile. Tu donnes deux, trois petites claques sur les fesses, tu seras un homme, mon fils. Ah, fais une fille de toi. Tu es déjà là, à 6 mois, là. Ah, lève-toi et marche. Ben oui, mais elle a 6 mois. Ben oui, mais écoute, ils disent dans le livre, là, psychologie, 6 mois et plus. Elle doit vivre, il doit vivre de ses propres ailes. Tire-le pas en bas du troisième parce qu'il ne vole pas encore. C'est pas un oisillon, là. C'est un petit bébé. Mais c'est pas ça que ça veut dire, là. L'interprétation, il faut que tu essaies de comprendre. Si tu peux pas comprendre. Si tu n'as pas le casseau assez puissant pour emmagasiner des informations, oublie les livres, toi, là. Il n'y a pas de dessin là-dessus. Quoique ça dépend. Je pense qu'il y a des professionnels de la santé là, qui savent capter. Là. Oh, elle, là, pense qu'elle n'a pas trop de... des images, hein? Ça vaut 1000 mots pour cette dame-là. Là. Ouais. On va lui donner le livre 17. Il y a 4 mots, il y a 6 photos. Puis si elle ne comprend pas, il y a un numéro de téléphone en bas, là. Puis il y a un site Internet. Elle doit aller sur Internet, elle-là. Facebook, tiens, Facebook. Elle est juste branchée sur Facebook. Elle s'est acheté un ordinateur, cette dame-là, juste pour aller sur Facebook. Elle va pas ailleurs. Elle connaît rien d'autre. C'est Facebook. Parce que sa copine, avec qui elle a allaité, parce qu'il y a comme, à un moment donné, une sorte de confrérie de femmes qui allaitent. Pour se dire comment ça va, là, puis la souffrance qu'elles ont, puis pourquoi elle attire plus, moi je tire moins, puis tu sais, on s'informe. Il n'y a rien de cloué dans le ciment quand tu as un enfant, là. Quoi qu'il y a des barèmes, c'est ça que j'ai dit, des barèmes. Vous avez entendu bohème? Ah, c'est votre côté extravagante, madame. Ah, il y a des barèmes, puis dans ces barèmes-là, ben on peut bouger. Tu sais, c'est pas quelque chose là, de c'est stretché. ça s'étire puis ça se racotille. C'est comme ça. Se retire, racotille. Et puis en même temps, avez-vous remarqué, si vous m'écoutez depuis bien des années, il y a des mots qui reviennent souvent, puis j'en parle souvent, puis il faudrait pas que je revienne là-dessus. Mais j'aime ça. Uniquement pour vous prouver que je suis conscient de ma répétition langagière. Puis ma chaise craque. C'est-tu bon signe, madame docteur? Nutritionniste? Suis-je devenue obèse? Et je pèse mes mots. Et quand t'es obèse, là, tu pèses tout. Là. OK? Tu pèses l'eau que tu bois. Tu pèses le vocabulaire que tu te mets dans la bouche. Parce que tu vas voir ton médecin. Puis il dit tu pèses 150 kilos. Mais c'est certain, madame, je pèse 150 kilos. Je mange des livres, j'ai un vocabulaire assez resplendissant, fleurissant, madame. La médecine. Ouais, il me semble que vous ne lisez pas tant que ça parce que vous ne connaissez pas beaucoup de mots me concernant. Mais madame la médecin, mais il y a des femmes qui ne veulent pas se faire appeler médecine. Ah d'accord. Brigitte Fontaine a pris les nerfs. Elle a pris les nerfs, là. Oui, je l'ai vu à la radio. France Inter. Elle s'est arrachée le nerf. Puis après ça, l'autre, parce qu'elle s'est arrachée les nerfs. Puis là, elle a dit à Arthur Dreyfus, à l'époque qui était sur France Inter. Moi, poétesse, je déteste. Écrivaine, je déteste. Je suis un poète écrivain. Les Québécois qui cherchent la francophonie et la... ça va bien, vous? Quand je fais... Parce que j'attends que l'information m'arrive. Je ne suis pas sur haute vitesse, malheureusement. Ou heureusement. Donc, elle ne veut pas de féminisation. Elle trouve que les Québécoises et les Québécois ne l'ont pas là-dessus. Écoutez, je respecte énormément Brigitte Fontaine, énormément. Donc, je ne peux pas aller contre-attaquer. Je ne peux pas contre-attaquer. Je connais sa vision. Elle a, à sa manière, un peu raison. Mais de mon côté, il y a des féministes québécoises qui ont travaillé dur pour en arriver à ça. Puis c'est certain que si vous passez à Québec, si vous n'êtes jamais venu ici, puis vous m'écoutez, je ne sais pas, au Zimbabwe. Zimbabwe, m'entendez-vous? M'entendez-vous, Zimbabwe? Zimbabwe, tolo seré, Zimbabwe, tolo seré. C'est tellement plein au Zimbabwe que les maris font des bateaux. Mais des kayaks, ils prennent une bûche. Ils bûchent un arbre. Ils bûchent un arbre. Ils font les coins ronds. Ils creusent. Ils creusent un côté pour que l'eau, après ça, pour que ça flotte sur un autre côté. Puis là, ils essayent de tenir en équilibre. Ils mettent la famille là-dessus, puis ils partent vers le Québec. Puis là, ils arrivent au Québec. Heureux. Mais ils ne comprennent pas la langue. Là. Puis surtout un Québécois, c'est pas un Belge. C'est pas un Suisse. C'est pas un Français, c'est un Québécois. Puis là, il se pose devant un boulevard parce qu'il sort du kayak à un moment donné, là, un genre de kayak inventé. Là. Il marche. Je les ai vus passer à un moment donné, moi, sur le fleuve Saint-Laurent. Oui, fleuve Saint-Laurent. Eggs. Ils sont passés juste à côté de l'île d'Orléans. Voilà. Puis là, à un moment donné, il y a eu comme un amoncellement de sable avec un petit courant, puis pff, c'est rentré dans le sable. Et, bang, il regarde en haut, c'est le château Frontenac. Donc, ils étaient habillés en Zimbabwéen. Montent en Hauteville, arrivent devant un panneau de circulation et crient « Arrêt ». Mais eux, ils sont mondialisés, là. Ils voient une couleur, ils voient une forme, mais ils ne reconnaissent pas la lecture. Ailleurs, partout dans le monde, c'est stop. Mais au Québec, c'est arrêt. On travaille fort pour la francophonie parce que nous sommes en... Hein, oui, exactement. On est étouffés par la langue anglaise. On est étouffés par la Shakespeare. Shakespeare nous inspire, oui. Intellectuellement, mais dans la vie de tous les jours, on veut rester Michel Tremblay. On veut rester, je sais, c'est un vieux Michel Tremblay, un récent, ben oui, Richard Desjardins. On veut rester, oh, un Rénal Gagné. C'est qui, c'est un Rénal Gagné? Tu te prends pas pour une crotte, toi? Non, deux petites crottes bien, bien serrées, un peu comme la pétanque la semaine dernière. Mais ça, on va lâcher les petites crottes parce qu'on n'est pas rendu là. Là, on va élever la note. Ça fait que mon gars zimbabwéen, devant sa famille zimbabwéenne, voit bien ça, arrête! Ils comprennent pas la langue de français. Voyons donc, ils connaissent pas le français. Là, ils essayent de faire venir les esprits pour voir si c'est pas un mirage et tout ça se changera pas en stop. Le Plastique Bertrand n'était pas disponible à l'époque pour faire « Stop! » Encore facile. Mais c'est qu'ils ont enchanté. Hein? Ils ont fait la version vaudou. Manges-tu du biscuit soda? Oui, mais tu verras. Tu verras que le monde vient. Oh. Pick up on. Thank you. Changera de tous ces embarras-là bien serré. Je suis heureux de vous présenter. C'est pas comme ça qu'on débute l'émission Errance Rinaldienne. Mais là, j'ai comme une petite, un petit aimant. On va vous le présenter, on va vous la faire. On va vous la faire pour pas très cher. Vous avez payé comment? Pardon? Combien vous avez payé pour le... Rien! Vous voulez entendre quelque chose gratis? Vous voulez pas payer une maudite scène? Ah oh, ben OK. Ils étaient cinq, c'était des hommes, tous les cinq sentaient le tabac. Même celui qui ne fumait pas. Le premier a bien tenté de me dire d'où il venait et où il voulait aller. Il voulait que je l'écoute, faut croire qu'il avait sans doute des choses à me raconter. Je ne l'ai pas laissé parler, je ne l'ai pas laissé parler, je ne l'ai pas laissé parler. Je lui ai mordu la lèvre et il m'a rendu mon baiser. Ils étaient cinq, c'étaient des hommes, tous les cinq sentaient le whisky, même celui qui ne buvait pas. Le second a bien tenté de me parler de sa mère, de pleurer sur son passé. Il a versé quelques larmes, il avait le goût du drame et ne pouvait oublier. Mais moi, moi, je ne l'ai pas laissé pleurer, je ne l'ai pas laissé pleurer, je ne l'ai pas laissé pleurer. J'ai touché ses cicatrices, il m'a déshabillée. Ils étaient cinq, c'étaient les hommes, tous les cinq m'ont parlé d'amour, même celui qui ne m'aimait pas. Le troisième, le quatrième ont tenté de m'emmener. Ils rêvaient à une épouse. Ils m'avaient imaginé au coin de la cheminée, comme un grillon du foyer. Mais moi, je ne les ai pas laissés rêver, je ne les ai pas laissés rêver. Le cinquième, le gentleman, ne m'a rien dit, pas un mot. Ils étaient cinq, c'étaient les hommes, tous les cinq, ils sentaient le yé. Lorsqu'ils sortaient de mon lit, lorsqu'ils sortaient de mes bras. Ils étaient cinq, et puis voilà. Ils étaient cinq, et puis voilà. Le mal de morge vient en morgeant. Oui, mais surtout que le mal de gorge vient en gorgeant, engorgé. Tu t'engorges la gorge, puis tu te l'irrites. Donc, tu veux dire des satellites espions. C'est exactement ça. Des sous-marins informatisés qui veulent entrer dans nos ordinateurs. Ben voyons, un autre qui cherche la bémol. Je cherche pas la bémol. C'est comme ça, c'est des pirates. Pas de coque sur le bras. Pas de poing dans l'œil. Puis pas de chapeau. Pirates. Ils sont là, les doigts levés, devant leur clavier, c'est des pirates. Des pirates informatiques. Il y en a de plus en plus. Ils sont à l'air du jour, au moins. T'sais, la mer, c'est bien beau qu'on voit danser dans l'eau des golfes clairs. Puis c'est très beau de voir l'eau qui scintille, qui oscille et qui nous amène la vie. Mais c'est plus la mode. La mode, on est dans un autre camp, dans un autre monde. Comme disait Diane, on capte d'autres ondes qui ne sont plus les nôtres, mais qui le deviennent par la force des choses. C'est le monde cybernétique. Tout est là. Les bibliothèques se meurent. Ils sont aux soins palliatifs de l'intellect humain. Qui va se louer un livre, là, vite comme ça? Qui va se louer un livre? Nicole Brisebois, oui, OK. D'accord. Et sinon, êtes-vous membre de la bibliothèque? Parce que sur Internet, là, il y a des bibliothèques virtuelles. Tu peux louer ton livre. En même temps, c'est sûr que tu ne tournes pas les pages. Là. Il manque quelque chose. Il manque le signet. L'autobus, je suis arrivé à mon arrêt. J'ai sonné. Donc, je place le petit carton dans mon livre et je le referme. Et je me le place sous le bras. Mon pain de l'autre. Et je m'en vais à la maison préparer mon repas. Mais c'est plus comme ça. Aujourd'hui, on est devant notre téléphone. On regarde. On regarde passer le temps. On n'est pas plus intelligent qu'avant. Au moins, dans un livre, on apprenait, puis on était imprégné de l'univers d'un auteur. Mais là, les auteurs sont des hurluberlus qui laissent leur divagation intellectuelle sur Facebook. J'ai froid, j'ai plus de chauffage depuis 2 semaines. J'ai le cheveu gras, plus d'eau depuis 3 mois. J'ai un intellect collé. J'ai pu à l'école depuis bien des années. Que vais-je devenir? Le citoyen de demain. Le citoyen de demain. C'est lui! On vient de le trouver! Comme Métropolis, le robot qui deviendra ce que nous avons bien voulu lui offrir. Puis en même temps, c'est ce qu'il a bien voulu prendre. Parce que l'intelligence, là, c'est de se dire, surtout de se démarquer. Oh, je ne veux pas ressembler. Non, le semblable ne m'intéresse pas, plus ou moins. Je veux être ce que les autres ne sont pas. C'est intéressant, je veux être ce que les autres ne sont pas. Donc, en un mot, se démarquer. Comme Claude Nougaro. Claude Nougaro! C'est qui ce Claude Nougaro? Ben, on vient de le chanter, là. On l'a pas chanté, on l'a entendu chanter. On peut le chanter si tu veux. Oh, ben là, t'as-tu la bémol? J'ai la bémol. Bémol. Bémol au fond. Mais c'est ça, j'ai la gorge tranchée. J'ai un bourreau à l'intérieur du gorgoton. Mais oui. Allô? Mais oui. OK, vous êtes le bourreau? Mais oui. Oh, hey, on parle à un bourreau. Là, je suis quand même sur un air assez intense, là. C'est la première fois que je discute avec quelqu'un qui enlève la vie. Vous enlevez la vie, monsieur? Mais oui. Vous semblez dégagé. Mais oui. Ouais, c'est normal, hein? Mais oui. Mais lorsque vous retournez à la maison, là, après la journée de bureau, non, de bourreau... Vous sentez comme un citoyen moyen? Mais oui! Vous tuez combien de personnes en moyenne dans une semaine? 10 à 12? Mais oui! Ça, c'est une petite journée tranquille, là, hein? Une petite semaine tranquille. Mais oui! Mais lorsque la personne se place la tête, est-ce que c'est guillotiné ou gélatinisé ou... comment tu appelles ça? Ouais, les piqûres, là. Lectal, rectal, est-ce que... êtes-vous recto? Mais oui! Recto verso? Mais oui! Vous êtes pur comme neige? Mais oui! Vous pourriez descendre du ciel, vous pourriez vous confondre à tout ce qui se passe autour? Mais oui! Vous avez la morale facile? Mais oui! Votre femme a-t-elle la jambe facile? Mais oui! Oh, tout est facile chez vous, hein? Mais oui! Oh, on enlève des vies, on enlève de l'amour, on enlève tout, hein? Mais oui! Oh! Êtes-vous un nudiste? Mais oui! Et voilà. Non, à tous les nudistes, pas parce que vous êtes nudiste que vous êtes bourreau, là. Voyons donc, lui, c'est un bourreau nudiste. Mais oui! Non! Comme il y a des avocats nudistes. Mais c'est pas parce que t'es nudiste que t'es avocat. Quoique tu dois te mettre à nu, hein, quand t'es un avocat. Saviez-vous, vous, hein, monsieur le bourreau? Mais oui. Mais oui. La connaissance universelle vient de vous. Mais oui. Ah. Le bien et le mal. Mais oui. Est-ce que vous considérez plus bon que méchant? Mais oui. Bon. Ah. Vous avez des belles cassettes, vous, hein? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir entendu. Mais ben oui. Êtes-vous content de vous avoir entendu, vous? Mais oui. Hey. Alors, on se retrouve devant la guillotine? Mais oui. Bon. Mais pour ma part, là, je vous conseille, là, enlevez le tranchant, hein? Parce que moi, là, je suis pas très tranché là-dessus. Ma question n'est pas encore franche. Mais oui. La vôtre, si. Mais oui. La vôtre, si. La vôtre, si. La comprenez-vous? Mais oui. Il y a tout, hein? Il y a toute la capacité intellectuelle en même temps. Là. C'est surprenant pour un... Mais oui. Oh. Bon, mais là, on va couper court à la question et on vous remercie. À la prochaine. Mais oui. Bon. On vient classer un cas. Mais Paris, mais Paris, mais Paris, mais Paris, mais Paris, mais Paris. Le casque des pavés ne bouge plus d'un cil. La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de Bendit. Et chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume. Mon pas d'oiseau force à enchaîner à sa plume. Et piochant les passions d'un rossignol piquant, capable d'assurer le sacre du printemps. Bébé, mais Paris, bébé, mais Paris. Ces temps-ci, je l'avoue, j'ai la gorge un peu âcre. Le sacre du printemps sonne comme un massacre. Mais chaque jour qui vient embellira mon cri. Il se peut que je couve un Igor Stravinsky. Mais Paris. Et je te prends Paris dans mes bras pleins de zèle. Sur ma poitrine, je presse tes pierreries. Je dépose l'aurore sur tes tuileries, comme rose sur le lit d'une demoiselle. Je survole à midi tes 6 millions de types. Ta fille à ras-le-bol me filera des tripes. J'avale tes quartiers aux couleurs de pigeons, intelligence blanche et grise religion.

sauf quand on est dans le même lit. Alors là, on sait tout, l'alphabet de A à Z. On joue avec les mots, on fait des Scrabble en même temps. C'est comme une corrida. C'est comme une corrida. C'est comme une corrida. C'est comme une corrida. Seul point commun, carton jaune, carton rouge, on se met toujours hors jeu. On n'est pas fait l'un pour l'autre, on ne fait pas de contre tous. On n'est pas de la même race, mais on chante le même refrain. L'amour est enfant de bohème, en garde les deux duellistes. Reculez de 10 pas, tournez-vous et chargez. C'est comme une corrida. C'est comme une corrida. C'est comme une corrida. C'est comme une corrida. Mon toréador. Mais oui, c'est mon toréador. Oh oui, c'est mon toréador. Mais oui, c'est mon toréador. C'est que ça se passe dans le quartier de Belleville. C'est le jour de la fête des voisins. Tu as deux immeubles qui se font face à face avec une cour au milieu. Et la gardienne vient de perdre son chat. Elle a perdu son chat. Et on sait que dans tout le quartier, il y a un empoisonneur de chats du quartier qui est là. Et elle va appeler chaque personnage et leur demander s'ils ont vu son chat. Et il y a toute une intrigue qui va faire qu'à la fin, on va découvrir qu'il est empoisonneur de chat. Mais... Qui ça ? C'est le suspense. Et dans chaque chanson, t'as le portrait d'un personnage de chaque immeuble, de l'immeuble. Donc c'est assez long à mettre en place parce qu'il faut... Est-ce que c'est... Utilises-tu l'humour ? Alors oui. Je compte mettre de l'humour, mais là, c'est là où je vais avoir besoin de collaborer avec quelques personnes. De théâtre Où j'ai un frère qui est qui travaille dans le cinéma et qui par ailleurs écrit, et à chaque fois il me fait tordre, il fait un peu de one man show aussi, il me fait beaucoup rire. Donc je pense lui demander de m'aider à écrire ces petits passages. Ouais. C'est entre les chansons. Il y a quelque chose épicé. Voilà. Un petit côté humour un peu noir et drôle. Donc parce que moi je crois que j'ai pas vraiment cette fibre là dans ma plume. Donc je la veux dans cet album, mais je pense que ça viendra pas. Alors ça sera parlé, ça sera des conversations, la gardienne qui appelle, on entendra, ça sera parlé par des on fera un casting de voix de chaque personne de l'immeuble. Ça c'est le côté narratif, le reste c'est les chansons. Le côté narratif vient du téléphone. Voilà. Et le côté portrait des personnages, le côté ce qu'ils font chez eux après le coup de fil, tout ça, ça vient de la chanson, tu vois. Est-ce que tu es avancé? Et ça sera moi qui... Et ben là, j'en suis... c'est un peu compliqué. J'ai un peu tout fait de plein de manières différentes. Et là, je me suis enfin retrouvée avec des grilles très claires, une basse très claire. Et donc, j'ai fait les trois premières chansons. Sur 12 chansons, à peu près 60 sur 12, minutes. Ouais, sur 12 morceaux. Ça va faire 60 minutes, je pense, avec les textes entre. Pour faire un album. Pour faire un album, et ça permettra aussi de faire un live qui pourra être plus proche d'un spectacle. Et donc, ça me permettra d'aller plus... d'aller peut-être plus jouer dans les théâtres que dans les salles de musique, C'est presque un one-man show. Presque. Moi, c'est ce qui m'a toujours un peu manqué dans mes... je fais des chansons très différentes les unes des autres. Et j'ai... La porte des salles et des programmateurs, des tourneurs m'a toujours été un peu fermée parce que... À cause tu fais de la chanson, t'es chansonnière et non pas... Je suis chansonnière de bar, quoi, ouais, un peu, ouais. Pour eux, c'est ça. Et donc, j'ai... le projet de cet album, c'est de passer... Par contre, j'ai découvert le théâtre avec le spectacle pour enfants et je me suis aperçue qu'il y avait... Enfin, ces théâtres, c'est génial, t'es vraiment bien reçu, le monde du théâtre, c'est... J'adore ce... Les gens, je les trouve c'est beaucoup milieu, plus... Ouais. C'est un milieu dans lequel je me sens limite plus proche que dans le milieu de la musique où il y a beaucoup d'apparences, de faux semblants. Et en théâtre, j'ai eu l'impression... Alors, c'est du théâtre jeune public, mais j'ai eu l'impression que les programmateurs... Enfin, j'ai eu l'impression de plus de vérité, moins de copinage. Voilà. Donc... Est-ce que ce projet-là... Donc je continue d'écrire depuis 3 ans, ouais. mais je joue pas ces morceaux en public. Est-ce que tu veux faire guitare-voix ou trame sonore ou des vrais musiciens? J'en suis pas encore vraiment là, je t'avoue. Donc c'est encore... je fais les arrangements, j'enregistre tout sur Logic, donc je travaille sur les arrangements, tout ça. Je pense qu'il me faudra des musiciens, j'imagine un... Préenregistré ou en direct? Comment ça, préenregistré? Ben, comme Yo Ferré avait sa trame, donc tu pars la trame et le spectacle commence et tu peux jouer avec ta guitare, tu utilises des gammes, mais la trame est déjà enregistrée. Ah, Léo Ferré, c'était des playbacks? Ben oui. Ah ouais? Ben oui. Je croyais qu'il y avait l'orchestre à chaque fois. Non, c'est playback, mais quand ils se plaçaient au piano, ils arrêtaient la bande. Ah oui, ouais? C'est playback, ben oui. Ça a toujours tu été playback. Tu m'apprends quelque chose? Et voyons donc, Mais c'est vrai que ça aurait été très cher quand même. Oui, mais en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à chaque fois qu'ils venaient faire des tournées un peu partout, mais entre autres à Québec ou au Québec, c'est la seule chose qu'on lui reprochait. Ouais. Ben moi, ça ne m'aurait pas trop plu. Je crois que j'ai un peu de problème avec le... Pourquoi? Toi, ça te dérange pas? Ben non, parce que... Bon, ça rejoint l'idée des machines, tu me diras. Parce que, écoute, que ce soit l'orchestre symphonique en direct, OK, ou que ce soit l'orchestre symphonique sur bande, quand ils partent, OK? Alors on part l'orchestre. L'orchestre ne pourra pas reprendre une mesure. Ouais. Alors quand la bande commence, la bande commence. Oui! Oui, c'est vrai, mais il y a un truc figé. C'est. Ouais, mais en même temps. Tandis que l'orchestre, s'il y a un chef d'orchestre, il peut quand même ralentir si tout d'un coup il y a. Oui, mais Léo Ferré est une présence sur scène. En plus, Léo Ferré, il y a quand même des arrêts à des moments, ça devait pas ça, être facile. Sur piano, ça, c'est sur piano. Ça, c'est quand il fait piano. Ah, ouais, d'accord. Oh, oui, mais quand c'est l'orchestre, mais en même temps, c'est lui. Écoute, c'est un orchestrateur, c'est lui qui dirigeait l'orchestre. Ouais. Sur la bande, là. Ouais. Alors, il savait que là, tu vas descendre. Pom, pom, pom, pom. Je crois que peut-être que le chef opérateur arrêtait la bande. Ouais. Et puis Gérard, là, part la bande. Pom, pom. Ah oui, OK. Ben oui, mais c'est... Et donc ça lui était quand même un peu reproché au Canada, au Québec. Au Québec. Ben okay. Partout. Écoute, tu vas en Suisse, tu payes ton billet, tu crois voir l'orchestre symphonique avec Léo Ferré. L'orchestre n'est pas là, mais Léo est là. Ouais, ouais. Puis un spectacle de Léo Ferré, c'est pas 1h30, là, c'est 3h30, 4h. Parce que lui, c'est bien beau que la bande soit là, mais il peut se placer au piano. Là. Ouais. La vie d'artiste, là, elle peut prendre une dimension exceptionnelle. 25 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Il faisait de l'improvisation à travers ça. Il pouvait abandonner son piano, se mettre au micro, puis arrêter la chanson. C'est cette liberté-là qui fais de qui lui vaut, un monde. Voilà. Ouais. Je fais de lui un monde. Ouais, ouais, c'est vrai. Et les textes, ils pouvaient s'arrêter aussi. Il n'était pas, la marionnette de la bande son. En fait, il contrôlait. Et il ça change été tout. La marionnette de rien. Ça a été. Ni Dieu ni maître. Un anarchiste. Ouais. C'est un anarchiste. Il n'y a pas de prix. Puis, ouais. Il n'y a rien à dire sur Léo Ferré. Ouais. On aime ou on n'aime pas. C'est pas un homme de demi-mesure. Faut que t'ailles hein. voir. C'est comme Gainsbourg. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Je suis allée voir un spectacle là aux Trois Baudets hier soir. Ah, le Garçon 2. Garance était là, une chanteuse. Ah, mais je la connais. Ben oui. Tu connais Garance? Ben oui, je connais Garance. Ben j'étais avec elle. Ok. Ah, ben j'ai. Hey, je l'ai rencontré. Tu lui as pas dit que tu me racontes. Quoi? Tu lui as pas dit que. Que ben que non. Non, c'est vrai, j'ai oublié. Ben, imagine que Garance, elle devait. Parce que j'organise des mini-spectacles. Ouais. Est-ce que tu le sais? Non. Es-tu mon ami Facebook? Oui. Si on... Ben, c'est mon ami ben Facebook. Oui, je pense. Tu n'as pas vu les invitations, les photos? Ah non, je n'ai pas vu passer. Alors, hier, j'ai fait un spectacle, un mini-spectacle. Ah non, je ne savais pas. Où ça? Bon, sur un banc public. Mes spectacles, je les organise sur un banc public. Sur un banc public? Oui. Ouais. Sur la rue des Abbesses, à la Bouche 12. D'accord. Bon, alors qu'est-ce qui arrive? C'est que j'avais deux invités. Les deux magnétos. Ouais. Appareil photo. Chante ses chansons. Cinq chansons, une interprétation. Ah, OK. Ouais. Et si tu veux passer, genre... Et t'as fait ça avec Garance? Garance, en fait, elle m'a envoyé un message. Ouais. Mais j'étais en entretien avec quelqu'un. D'accord. Et je parle avec la personne. Et excuse. Désolé. Là, c'est parce pas que c'est la fumée, mais c'est pas grave. Ah, c'est vrai? C'est pas grave, c'est pas grave, je suis allergique à la pleine connerie. Ah, merde, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Fais attention à pas là, non, non, non, non. Et là... Je suis en train de lire rapidement pendant que pour pas que ça paraisse. Là, oui, ah oui, d'accord, d'accord. Là, je vois Trois Baudets. OK? Ouais. Ah, je me dis, elle chante aux Trois Baudets. Hein? Pendant que je parle au type, elle chante aux... ah, elle peut pas venir. Bon, je vais lui proposer après la rencontre une autre journée. Mais là, c'est pas ça. Elle me disait dans le courriel, je suis aux Trois Baudets, je vais revenir à la maison chercher ma guitare et je vais te rejoindre. Ah ouais, d'accord. Mais là, c'est pas ça. C'est parce que moi, j'ai pas envoyé de courriel en dedans ou de SMS. Ouais. Ben finalement, on a pris un verre après. Voilà, c'est on ça. Est resté un peu. C'est ça. Ah, ben, j'ai envoyé, ben, pendant que tu prenais ton verre, j'ai envoyé des messages en disant, je m'excuse infiniment. Ah, d'accord. Est-ce que tu l'as vu en train de lire ces SMS? J'ai pas vu. OK, bon. Non. Bon. Alors, ben, oui, je l'ai rencontré il y a une année. L'année dernière. Ah, mais c'était peut-être... Elle m'a dit avant, vers 20h, elle m'a dit qu'elle avait un coup de fil à passer. Paris tout gris, Suzy débarque, guidée par le phare de la ville. Elle s'éparpille, pépite à l'œil, dans les quartiers où ça scintille. Paris séduit par ma Suzy, ouvre ses portes et l'emprisonne. Or Suzy dort, Suzy frivole, ne vois-tu rien venir? Disparue de la ville, Suzy anonyme, sus à la ville, Suzy anonyme. M'avez-vous vu, ma Suzy, oh oh, ma Suzy, t'es un soir d'été, ma Suzy, oh oh, s'en est allée. Avez-vous vu, ma Suzy, oh oh, ma Suzy, t'es un soir d'été, ma Suzy, oh oh, s'en est allée, ma Suzy, t'es. Suzy s'affole parmi la foule et finit par se mettre en boule. Paris l'enroule et la déroule dans tous les clubs où ça fait mousse. Et quand elle crie, Paris se marre. Et quand elle fuit, Paris l'empare. Alors Suzy trinquait partout avec des vieux riches comme Crésus. Disparue de la ville, Suzy anonyme, sus à la ville, Suzy anonyme. S'en est allée ma Suzy T. Paris en fleurs, Suzy se meurt. Et c'est bien l'arc qui triomphe. Quand elle se donne une dernière fois au Sacré-Cœur qui l'écartèle. Depuis le clocher de l'Eiffel, fait trembler ses mille lumières. quand sous le pont, Suzy Poisson flotte toujours sans son jupon. Disparu de la ville, Suzy anonyme, sus, sus à la vie, Suzy anonyme. Mais elle m'a envoyé un SMS. Écoute, en tout cas, bah, si tu as l'occasion de voir ce spectacle, il est très bien. Et y a, ouais, ils ont repris du Ferré. Okay. Ça s'appelle Garçon et c'est des reprises chantées par trois filles. Carmen Maria Vega, Zaza. Ah, c'est pas les nanas, il y a une grassette là-dedans? De qui? Est-ce qu'il y a une jeune fille là-dedans qui est grassette? Pas vraiment grassette. Carmen Maria Vega? Non? Il y a une fille avec des lunettes? Non. Des lunettes? Ok, c'est pas ça. Non. Okay. Cléa Vincent. Okay, non. Okay, non. Et les trois, elles chantent des reprises en fait, dont il y a du Léo Ferré, il y a du Nougaro, tout ça, mais repris des chansons d'amour chantées par des hommes, normalement, qu'elles chantent elles. Et c'est bien, il y a toute une mise en scène, tout un travail. Et les chansons de Léo Ferré, c'est Carmen Maria Vega qui les chante en général, des frissons partout. C'est génial. Ah oui. Ouais. Elle est plus discrète ces temps-ci. Hein. Bah, elle faisait Miss Tinguette, donc je pense qu'elle était pas mal là-dedans. Et il paraît qu'elle sort un album là, bientôt. Quelle force, hein, cette fille-là. Quelle force. Ah ouais, moi je l'avais jamais vue sur scène, donc j'espère voir ses chansons la prochaine fois. Mais tu la connais? Je veux dire, tu connais ses chansons? Ouais, je connais ses chansons, j'adore. Ouais. Et c'est vrai que sur scène, je trouve qu'elle est, elle est splendide, elle, hein, elle maîtrise. Ouais. Moi j'adore ce genre de voix en fait, okay. J'aime beaucoup. Et une voix un peu garçonne, un peu solide. Ouais, voilà. Ah, mais si tu veux faire ton mini-spectacle, je t'invite, hein, tu me diras quand, là, avant vendredi, le dernier c'est vendredi. Et c'est tous les jours que tu fais ça? Ben non, normalement, j'avais préparé le mardi et le jeudi. Ouais. Mais là, avec Garant, je sais pas, là, comme je l'ai loupé hier, je lui ai ouvert les portes à tous les soirs ou presque. Là. Ouais. Donc je vais attendre sa réponse, tu pourrais venir avec. Ben ouais. Est-ce que vous restez dans le même coin? Oui, on est pas loin. Ah, ben, tu viendras avec Garant se faire Ouais. Ah, ça serait bien. Ben oui, on peut faire ça. Arrangez-vous pour une journée, là, c'est souhait. Moi, le seul truc, c'est que... Oh. Ah oui, mais elle partait peut-être. Ah non, elle partait. Non, parce qu'elle m'a dit que, OK, qu'elle allait voir l'agenda, son horaire, puis d'accord, qu'elle reviendrait avec ça. Ben, moi, le seul truc, c'est... Je vois mon frère qui habite pas Paris vendredi soir, donc je pourrais pas vendredi. Ah, ça serait jeudi. Et jeudi, c'est possible, ouais. OK. Alors, essaye avec Garance de proposer le jeudi. C'est à 19h30. Demain, c'est ça? Oui, à 19h30. 19h30, et c'est où? Attends, je vais à la bouche Saint-Abbès, ici. Saint-Abbès. À la bouche des Abbesses. À la bouche des Abbesses. Oui. Ah oui, sur la place, ouais. Oui, à côté du carrousel. Ah, OK, d'accord. Alors, si tu j'ai un ami qui jouait là-bas, parce qu'il y a un marché, parfois. Oui. Ah, hier, c'était incroyable, le spectacle. Hein? Ouais. Ah oui, tu regarderas mon Facebook, les photos que j'ai prises. Puis, c'est diffusé pendant la saison automne-hiver à CKRL. Ouais. Bouche des Abbesses, jeudi... 19h30. Et t'habites à Paris, en fait, ou pas bah du non, tout Non, je reste au Québec. Je reste à Québec. Mais, et là, parce que tu connais hyper bien Paris, je trouve. Bah oui, mais je viens ici à chaque année depuis 89. Ah ouais, d'accord. Ouais. Pour à chaque fois, pour interviewer, voir des gens... Non, je fais pas des interviews, moi je fais des rencontres radiophoniques. Ouais. Je rencontre, on parle, on discute, mais j'ai pas de questions, je sais même pas où je vais aller. C'est sûr qu'on relate l'enfance jusqu'à aujourd'hui et... Et éventuellement, qu'est-ce que l'artiste projette dans les jours, les mois, les années à venir. Ouais. Et c'est tout simplement comme ça. C'est pas vraiment des questions préparées. Et vous, croyez-vous que... Je vois, c'est hyper agréable. Hein? Ben oui, ben c'est, écoute, c'est entre amis. On parle comme tu rencontres un pote et tu relates un peu. Là, et là, c'est ta carrière et non pas ta... histoire avec, je sais pas, une histoire amoureuse que tu aurais pu avoir. Ouais, ouais. Sinon... Et t'as invité qui, là, les dernières fois? T'as fait ça avec qui, la dernière fois? Ou... Ben, il y a une heure. Ah, tu veux dire, le spectacle? Ouais. Je l'ai fait avec un chanteur qui s'appelle Renaud Rilial. Et ce chanteur-là se fait écrire des chansons depuis quelques mois par M. Bergman, Boris Bergman. Ah ouais? Que j'ai rencontré vendredi, Boris Bergman. D'accord. Ouais. Il nous a fait des chansons avant la sortie de l'album. Ouais. Cinq chansons. Cinq chansons de son premier album sur le film. Ouais. Et puis une interprétation d'une chanson traduite par Bergman des années 60. Ouais. Et l'autre, c'est. Fleuret, c'est un chanteur troubadour qui a commencé le ukulélé il y a 4 jours. Ah ouais? Et il nous a fait une chanson au ukulélé, sinon il joue de la guitare depuis belle lurette. Ouais. C'est un ancien du cinéma, il a fait du cinéma, il a fait plein de choses, en arrière, derrière la caméra, devant la caméra, il a fait des clips pour Pauline Croze, entre autres. Ah ouais? Et écoute, c'était un succès pour lui parce qu'on devait faire 5 chansons, on a fait une 8-9, 2 interprétations, il y a des... Il y a des gens qui sont approchés et qui se sont mis autour de nous. C'était des Italiens, des Espagnols, des hispanophones. Ouais. Ils se sont assis, ils se frappaient dans les mains. Le spectacle était vraiment incroyable. J'ai pris des photos. Tu sais, il va voir sur mon Facebook. Super. OK, je vais regarder, ouais. Et donc... Fleuret, il s'appelle lui. Pardon? Lui, il s'appelle Fleuret, c'est ouais, ça? Oui, Florent. Florent, ouais. D'accord. Et tu regarderas, il y a les liens. Tu cliques et tu vas voir son Facebook. Et toi, lorsque tu fais des spectacles, est-ce que tu t'adresses à un public ou... Je m'adresse beaucoup à des personnes dans le public. Je regarde les visages. OK. Donc, j'essaie de d'immortaliser les visages. Alors, tu les regardes avant de monter sur scène? Tu les... Pas forcément avant de monter sur scène, plus, je vois plus une foule avant de monter sur scène. C'est un... Et tu joues pour combien de et personnes? Et je me familiarise avec les personnes à l'intérieur du public sur scène. Et tu joues pour combien de personnes normalement? Je joue, ça dépend. Je joue en Allemagne, je fais des plus grosses dates. En Allemagne, c'est plutôt dans les 200-250. Et comment tu t'es fait connaître en Allemagne? Parce que ben, justement, ça a commencé par une tournée qu'on a faite avec Pauline Croze et... Je la rencontre vendredi. Et Belle Duberry. Ah ouais? C'est vrai? Cool. Pour... du coup, ben, elle se souviendra, tu pourras lui dire le French Kiss Tour, ça s'appelait. Okay. Et c'était il y a quelques années. Et donc on jouait, le but c'était, on était donc 3 chanteuses, elle, Belle Duberry et son trompettiste David Lewis et moi. Et on tournait dans les pays de l'Est, on faisait une 10aine de dates. Et là, c'est là qu'en fait pour la première fois je suis allée jouer en Allemagne. Et ensuite j'ai eu des retours par les instituts français, tout ça. Et donc régulièrement, je suis retournée là-bas pour des petites tournées et tout ça. Il y a un tourneur et il y a un label qui a repris mes CD qui les a vendus là-bas. Et, est-ce qu'il les vend encore? Pardon? Est-ce que le label existe encore? Ouais. OK. Alors, il travaille encore pour toi, ce label-là? Ouais, c'est lui qui va sortir d'ailleurs l'album que j'ai déjà fait il y a 3 ans que je n'ai jamais sorti. On va le sortir là, à la fin de l'année en Allemagne. On va remixer probablement une ou deux chansons pour le clip. Mais ça, c'est jamais sorti ici. Parce que justement, c'était fait par David Lewis, les arrangements. Donc il y a une ambiance très Paris Combo dans le style. Ah, c'est bien. C'est bien, sauf que le seul truc, j'ai. J'ai expérimenté la voix à la Carla Bruni, donc c'est très soft et c'est pas du tout moi, j'ai plutôt une gouaille d'habitude. Et c'était dur à défendre parce que en fait cet album il est très joliment fait, mais limite il date comme... C'est du pareil combo, donc c'est un peu du... Ça date d'il y a 10 ans. Donc les radios n'étaient pas vraiment prêtes à... Mais tu peux pas reprendre ? Ben, le problème, c'est qu'avec ces arrangements très élégants, très subtils, cette voix est bien. Et si je faisais une voix à la... comme tu as la voix de Carmen Maria Vega, sur des arrangements très lisses, ça ne fonctionne pas. Non. Tu vois ? Donc c'est bien pour l'album d'avoir fait cette voix-là. Après, c'est seulement que ça manque de... C'est un petit côté un peu daté déjà qui est, Et tu la défends, tu défends pas aucune chanson sur scène de cet album-là? Alors je les joue avec mes musiciens, mais même chose, c'était pas mes musiciens qui ont enregistré sur l'album, donc c'est vraiment ouais, et avec mes musiciens. C'est presque une commande. C'est presque une commande, sauf que j'avais déjà écrit les chansons. Mais en effet, j'ai pas fait de guitare. C'est le guitariste de Benabar qui est venu. C'était notre gros album. On avait trouvé plein de subs, donc il y avait des super musiciens et tout. Assez décevant parce que c'était très bien fait. Ça a coûté très cher et en fait c'était pas moi. Ouais. Mais c'est une expérience. Hein. Maintenant je sais que tu peux faire des limites. L'album d'avant, il était beaucoup plus moi et il a plus d'imperfections, mais au moins il a tourné sur les radios et tout ça. Né, mes jolies minets, fait des bulles dans mes verres. Moi, je suis en jachère, je regarde et un point c'est tout. Viens jouer dans mon business, parle et moi je fais des hauts, des hauts. C'est que dans ce business, faut avoir la tête dure. Faut voir comme ils se sentent fiers. Tous les piliers de mon bar. Moi, je vous ai tous à l'heure. Ici, c'est chez moi. Venez, mes jolies minets, faire la cour à mes belles. Lavez-vous bien les yeux, mes patouches au postérieur. Allô, y'a quelqu'un au bar? Et quoi? Personne qui me sert. Garçon, remplissez-y mon verre. Champagne avec un glaçon. Gamine, j'en rêvais déjà. Des bulles et l'eau qui pétille. Tout droit de Yougoslavie. Ici c'est chez moi. Des hommes, j'en ai brisé plus d'un. Des qui m'en ont fait voir des couleurs. Des hommes, j'en ai trop pu peut-être. C'est pour ça que je m'en vais à la retraite. Depuis, je chante et je suis gay. C'est moi qui décide où et quand. Depuis, je me fais religieuse. Quand c'est qu'on me fait des promesses. La sueur de mon front, cela je crois. Ah, la brûlure de mes mains, cela je crois. Je fais briller le castabat. Ici, c'est chez moi. Payez-vous mes verres, mais pas ma tête. Thank you. faire un peu moins de perfection, un peu plus d'erreurs. Voilà, et un peu plus d'âme, du coup. Ouais. Et donc, je vais quand même le sortir parce que je crois que c'était comme une fausse couche, ça faisait un peu mal. Non plus, là, voilà, ouais. Ça faisait mal de ne pas le sortir quand même. Donc il sort en Allemagne. Moi, ça me permet de passer à autre chose. Toutes ces chansons, je les chante quand même pour la plupart, mais avec une énergie, un autre arrangement, tout un... Puis tu ne penses pas le réantiquer ici avec cette énergie-là que tu fais sur scène? Non? Pardon? Tu ne crois pas reprendre cet album-là à la sauce que tu fais sur scène? Avec la scène? Le refaire? Oui. Refaire l'album? Oui, mais Ben, la question s'est posée de faire un album live. Mais après, j'ai pas assez de moyens. Ouais. Je suis pas assez soutenue par. Faudrait que je sois soutenue peut-être par. Je sais pas, la programmatrice des Trois Baudets pour pouvoir enregistrer là-bas pendant une semaine. J'ai pas ça. Donc je pense que c'est pas d'actualité. Mais c'est vrai qu'on m'a toujours dit que le live. Mon live est mieux que les albums en général, donc ça vaudrait le coup de le faire. Mais c'est l'énergie du spectacle aussi, du live, c'est l'énergie du live. Bon, toi, en studio, ouais. Sauf que si tu prends tous tes musiciens durant la session d'enregistrement, ils jouent ensemble, ça c'est intéressant. Ça aussi c'est bien, Brel, ouais. Brel le fait assez souvent. C'est... Ouais, ouais. Entre autres, au suivant, Amsterdam s'est fait en live, c'est-à-dire tous les musiciens en studio. Là. Ouais. Et quand ils disent chauffe la scène, ben ça, chauffe Marcel, pas prévu, ouais. Là. Ah oui, c'est vrai. Mais non. Parce que, en fait, ça se sent que ça vient d'une cœur, ça va être. Lui, il était dans sa case, c'est chaque musicien dans sa case. Puis là, avec les écouteurs, chauffe Marcel, parce qu'il veut que ça joue. Mais ça fait quelque chose. Bon. Puis sur scène, il a même repris. Il garde, chauffe Marcel, il Ah oui, disait, ben ouais, oui, ouais, ben c'est oui, vrai. Ben oui. Ouais. Hey, j'ai 10 questions. Ouais. Puis on va voir si ça va chauffer. D'accord. Si tu étais un liquide. Un liquide? Une limonade. Ah oui, moi aussi j'adore la limonade. Hey, j'ai connu ici un truc qui s'appelle un Monaco. Ah oui, tu connaissais pas le Monaco? Non. Vous avez pas ça au Québec? Bah peut-être, mais j'ai jamais. Mais c'est bon. C'est bon, hein? Limonade, grenadine et bière. Mais c'est les proportions, c'est quoi? Grenadine? Oui. Limonade? Et moitié limonade et moitié bière. Ah, moitié limonade, moitié bière. Ok. Ah, mais c'est bon. C'est hyper bon. Mais ça saoule pas en plus, c'est bien. Ouais. Ah, c'est tellement bon. Ouais, moi j'adore. Puis, on m'avait dit qu'il existait aussi le tombeau. Oui, alors le tango, Alors le tango, je crois que c'est de la fraise et pas de la grenadine. Okay, c'est ça la différence, je crois. Et ça s'appelle comment? Tango. Ah, le tango, j'allais dire le tombeau. Le tombeau, ça doit frapper ainsi. Avec du tabasco. Oui, c'est ça, le tombeau. ou peut-être avec de la vodka. Ouais, ouais. Si tu étais... Ah, ben c'est ça, mais c'est tellement bon de... Tu reprends un café? Tu revends un café? C'est mon troisième, non. Ah, c'est ton troisième? Ben, je vais en prendre un petit. Si j'étais une ville... C'est peut-être Luc. Ok. Alors, c'est un vieux souvenir d'enfance, mais... quand je pense aux vacances, je pense à Luc. Luc en Italie, une belle ville bourrée de remparts, les tandems. Ça marche tellement bien en Italie. Hein. Ouais. Si tu étais une langue. Une langue? Si j'étais une langue. J'ai envie de dire l'argot, mais bon, je le parle pas assez bien. Ah non, pourtant, t'es parisienne. Ouais, je suis parisienne. J'ai le dictionnaire d'argot. À la Arletty. Ouais, ça me plairait assez. Ah oui. Ouais. Les films de Renoir et tout ça avec l'accent. Ouais, j'aime bien. Donc, je trouve ça très habité. C'est vrai. Et très urbain aussi. Ouais. Ouais. Puis je trouve qu'il y a une poésie là-dedans très intéressante. Ouais. Si tu étais un mot. Un mot. L'amour. L'amour, oh. Si tu dois avoir cette réponse souvent, non? Non. Non? Non. Ok. Si tu étais une époque. Une époque, peut-être les années 50. À cause des robes et... Alors ouais, j'aime bien leur robe avec les colliers là, ouais. Comme ça qui tombent. Ah non, ça c'est plus années 70. Non, non, c'est 50. C'est 50 c'est, attends un petit peu, ça sera pas long, excuse-moi. Vas-y. Oui, allô. Allô. Ça peut pas. Non, ça, ça peut pas fonctionner. Oui, donc les années 50. Je peux, vous, je peux vous demander un café? Un autre café? Merci. Et les années 50, c'est... Alors, les années 50, je sais pas, il y a un truc... Bon, on se rend bien compte qu'il y avait plein de... Pour les femmes, en plus, c'était pas facile, tout ça. Mais il y a ce réveil d'après-guerre, de cette envie de reconstruire que je trouve beau. Et musicalement, en fait, j'adore... J'adore tout ce qui est Billie Holiday, le jazz, tout ça, les fusions de ce jazz-là. Et ben, je le vois, je l'imagine dans les clubs de jazz des années 50, ça me fait rêver. Si tu étais un aliment. Un aliment. Du beurre. Du beurre? Mm. Ok, pourquoi du beurre? Du beurre parce... Pour être étendu sur du pain. Voilà. Et ben, j'aime bien mettre du beurre dans tout. Ah, moi aussi j'adore. J'adore. Ouais. Le côté salé, là, du beurre salé. Voilà, beurre demi-sel. Très important. Dans les crêpes et tout. Voilà. Ah oui. Et je trouve que c'est sympa, c'est moelleux, tu vois, c'est... Tu pourrais t'en mitoufler dans du beurre et bien. Tu pourrais prendre des bains de beurre. C'est glissant. Beurre fondu, tu sais. C'est très glissant. Hein, c'est glissant. Ouais. Ça peut être une activité sexuelle aussi, vendredi, moi, samedi. C'est vrai, ouais. Badigeonne, chérie, badigeonne. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel. Si j'étais un membre corporel. Il y a des choses compliquées hein, quand même. Ouais, bah, je réfléchis. En fait, j'ai la réponse qui vient tout de suite. Et après, je réfléchis à pourquoi. Okay. Donc, j'aurais dit. Oh, tu s'auto-analyses. Voilà. Okay. Là, j'avais le nombril qui me venait. Et je me disais, tiens. Est-ce que d'ailleurs ça vient du nombrilisme ou ça vient... Est-ce que c'est du nombrilisme de dire c'est... nombril? Oui, enfin pas forcément de le dire, mais est-ce que le fait que je le pense, c'est... Oui, c'est lié à du narcissisme de ma part. Ou est-ce que c'est quand même le centre du corps? Oui. C'est le corps. Et je trouve entre, ça assez mignon. Entre la mère aussi et l'enfant. Ouais. Ah bah oui, en plus. Ben oui. On va garder ça. Ah oui, c'est bon. C'était moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Non, mais ça t'a révélé, juste savoir quel nom. Ah, c'est vrai, c'est branché à la maman. Et je vois souvent, tu sais, quand t'es avec quelqu'un depuis un moment, t'as des petits trucs. Moi, je sais que souvent, je rigole avec le nombril de l'autre. Il y a un truc, je sais pas pourquoi. Un truc. Donc, le nombril. On va dire le nombril, ouais. Si tu étais un moment de la journée. L'aube. Pourquoi? L'aube, parce que je la vois quand même pas souvent, donc ça me permettrait de découvrir quelque chose. Okay. Pourquoi tu vois pas souvent l'aube? C'est parce que t'es... Bah, je me couche souvent tard la nuit, mais juste avant l'aube. Okay. Et les rares fois où je dois, pour le spectacle pour enfants, ça arrivait qu'on se lève à 6 heures pour aller bosser. Ouf. Et là, voir le matin, c'est un tas d'énergie tout d'un coup. Ah oui? Mais la fatigue est pas là? Et non, en fait, je me rends compte que la fatigue n'est pas là, ouais, quand tu vois l'aube. Eh bien. J'aime bien la rosée, le calme avant la tempête des gens qui vont travailler. Exact. Thank you. l'exploitation, me voilà experte en ex-expire. Où je dis oui est le mot qui me rend dingue. Je dis oui est le mot qui m'en sort sexe. Je dis oui est le chalumeau de la baisse de sexe. Pour atteindre Paris Sex Shop, je suis passée par Stan en interne. Et chaque jour, je m'exhorte à me montrer telle l'étudiante modèle. Et le week-end, j'exorcise le démon de mes désirs sous Manix. Où je dis oui est le mot qui me rend dingue. Je dis oui est le mot qui m'en sort sexe. Je dis oui est le chalumeau de l'apex des sexes. Un autre individu. Aïe. Ah, zut. Si j'étais un autre individu, peu importe, vivant, mort, qui que ce soit, je me sens un peu proche de Fréhel. Oh. Bizarrement. Ouais, alors que je connais pas. Ah, ouais, que la coco, Fréhel c'est bon, ou c'est... Gris. Il y avait Gribouille aussi. Gribouille, oui. Hey, on l'a nommé Gribouille cette semaine. De quoi? Gribouille. Ouais, Gribouille, ouais. Tu vois. Oui. Je me sens assez proche. Ouais, on va dire peut-être plus Gribouille. Je me sens assez proche de Gribouille. Pourquoi plus Gribouille que. Pour le côté. Elle a un côté un peu à garçonne que j'ai l'impression que j'ai. Est-ce que tu sais ton côté garçon? En fait, je l'assume. J'en étais mal à l'aise auparavant et maintenant quoi, je l'assume. Ben, c'était lié un peu à ma sexualité aussi et tout. Et j'avais jamais su. On m'a toujours conseillé d'être plus féminine, tout ça. Donc pourquoi? J'ai essayé de chercher des choses. Pour cacher? Pour seulement, genre, c'est une fille, c'est plus sympa quand c'est féminin et... Ok. Donc, plaire à la société? Voilà. J'étais dans une famille où il y a... Où ah les, oui, où le décorum. Les uns et les autres sont assez féminins. Ouais. La fille, c'est la jupette. Jupette ou même, c'est dans l'attitude, tu ah vois, oui. Dans la manière de parler, tout ça. Et maintenant, Maintenant, voilà, je m'en balance un peu. Ouais. Tu t'assures. Mais il m'a fallu du temps. Il m'a fallu 26 ans, 27 ans pour... Ouais. Et en même temps, il faut rentrer en communion avec nos idées, puis surtout ce que la société nous amène comme barrière. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup de barrières. Moins pour les filles que les gars. De barrières? Ouais. Ah ouais? À mon avis, je sais pas. Là, mais tu penses, ouais. Je trouve que... Qu'on est plus libre dans les... Ben non, mais... Ben oui, mais en même temps, tout ce qui enrobe l'homosexualité féminine plaît aux hommes. C'est vrai aussi. Plaît aux hommes. Ouais. Donc, deux hommes, ça plaît moins aux hommes. Deux filles, ça plaît beaucoup aux hommes. Parce qu'ils s'imaginent que... Ils s'imaginent que... Oh, ouais, mais qu'ils vont peut-être pouvoir... C'est ça, exactement. On va se joindre une petite soirée à trois. Mm. Donc, c'est la débilité de de cette vision-là qui fait en sorte que l'homme va trouver ça beaucoup plus intéressant, deux filles qui s'embrassent, que deux filles qui s'embrassent. Alors, c'est beau, c'est hein? vrai que c'est... C'est beau. Sur ce point-là, c'est peut-être que l'homosexualité féminine est plus... Est mieux vue. Mieux vue. Oui. Après, après, ça t'empêche pas d'avoir toujours de recevoir quelques réflexions parfois. Ouais, mais les cons, comme disait Bastien, quand on est con, on est con. Bah ouais, on a toujours. Mais ce qui me rassure, c'est que c'est les mêmes. Hein. Ouais. C'est les mêmes qui sont vraiment. C'est vrai. Et donc, Gribouille, elle avait ce petit truc-là. Et en plus. Elle est moins connue, Gribouille. Non, elle est moins connue. Beaucoup moi, ça a été un. J'adorais. Elle a très peu de chansons, finalement. Elle en a pas beaucoup. C'est un mélange pour moi entre Barbara et Brel, tu vois, il y a ce truc. Et puis, elle avait un... J'ai l'impression qu'elle savait faire la fête, comme moi, j'ai tendance à oublier l'heure qui passe à des moments. Et en même temps, elle a une tristesse. Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu, je ne sais pas vraiment pourquoi, une mélancolie que je traîne avec moi depuis toute petite, qui est là. Donc... Est-ce que tu étais une fille rêveuse, une fille introspective, une fille solitaire, due à ta différence, due à... Oui, tout ça. Et tes parents, la déception de tes parents, de ne pas avoir, entre guillemets, réussi une fille, réussi sa fille, on dit ça aussi pour les gars, hein, quand... Eh bien, je me suis demandé, moi, je me murais dans un silence devant ma famille pendant quelques années, je me suis murée. Tu jouais le rôle de la fille ordinaire, normale? Non, pas du tout. Plutôt de la... J'ai jamais su faire semblant, en fait. Okay. Donc je savais pas faire. L'hypocrisie, tu connais pas? L'hypocrisie, je connais pas. Et dans la famille, on est très... Ouais. C'est une des grandes valeurs qu'on m'a inculquée, c'est l'honnêteté et essayer d'être juste. Okay. Quoi. Ne pas jouer de rôle. Pas dans... Voilà. Être soi-même. Ouais. C'est bien, c'est un cadeau, c'est un trésor, c'est de l'or, c'est une richesse. Ouais. Donc non, donc je pense que j'étais quelqu'un... ado, donc je me suis un peu murée. Je suis partie en Angleterre quand j'avais 10 ans, pendant un an en pension. Ouais. Et je pense que c'est là où j'ai découvert la solitude. Je crois que j'ai grandi très vite dans cette année parce que je parlais à personne pendant un an. Tu voulais ? Je voulais au départ parce que j'imaginais que l'Angleterre était... J'avais vu beaucoup de westerns avec John Wayne. J'étais c'était une fan aux États-Unis, John Wayne. Oui, mais il parlait anglais. Enfin, ah, oui, okay. Tu vois, j'avais cru... À 10 ans, tu mélanges un peu tout. Ouais. Et donc, je pensais que j'allais aller dans une vie de western. J'avais conscience qu'il parlait anglais, mais je pensais qu'il parlait français. Je pensais que j'allais comprendre la langue, en fait. Okay. Et je pensais qu'il y avait des Indiens, des cow-boys. Je croyais que tu avais le décodeur. En allant là-bas, le décodeur était inclus. Qu'il était là. Puis tu cherchais ton Indien avec le cheval. Et je suis arrivée là. Eh oui. Et c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc j'ai pas parlé. Je me suis retrouvée. Comme je te dis, j'ai découvert la solitude. Et à partir de là. Est-ce que c'est là que tu as commencé à écrire? Ouais, j'écrivais. C'est vrai que j'écrivais. Ben, en fait, j'écrivais beaucoup, beaucoup de lettres. Donc, que j'ai récupéré là. À plein de gens, ils étaient géniaux hein, parce qu'ils m'ont écrit. Je devais recevoir 4-5 lettres par jour de gens de la famille, d'amis. Okay, à tout le monde. Okay. À tout le monde, j'écrivais. Et j'écoute. Et je lisais, mais je passais beaucoup de temps en fait dans la forêt. C'était un immense parc. Et il y avait un coin dans la forêt où j'allais seule. Et je faisais des aventures toute seule. Tu créais des personnages. Je me créais des personnages. Avec John Wayne. Voilà. Tu voyais je retrouvais mon John Wayne. Mélangé avec Peter Pan, je ne sais pas très bien pourquoi. Mais, L'éternel adolescent. C'est vrai. Ouais. L'éternel adolescent. Celui qui ne peut pas vieillir. Et qui peut s'envoler pour échapper à tout. Et John Wayne qui représente l'homme... très patriarcal, très, très de droite, très droit. Ouais, c'est vrai, avec du recul. Et tu sais, dans le contrat de John Wayne, il ne se penchait jamais. Ah ouais? Pour lui, il ne voulait pas se pencher. Il n'y a aucune scène dans le cinéma de John Wayne où tu vas le voir se pencher pour ramasser son chapeau. Parce que c'était s'abaisser. Pour lui, c'était comme s'il s'abaissait ou... Pas vraiment, c'est... Ou un problème de dos. Non, pas du tout. Tout simplement, sans doute. Et plus ça va, plus j'y crois, le fait de se faire enculer. Ah ouais! Ça va loin, hein? Ben, parce que un homme viril ne se penche jamais pour se dilater, histoire de laisser entrer. Ah ouais! Ben ça, C'est intéressant. Non, c'est ma conclusion, c'est ma vision. Parce que si tu regardes qui est John Wayne, quel film il défendait et quelle histoire racontait tous les films de John Wayne, c'est l'homme qui ne s'abaissera jamais. Ouais. C'est un peu comme Jean Gabin. Ouais. Jean Gabin ne... jamais va tomber, c'est celui qui va relever, c'est celui qui va se relever et qui va relever les autres. John Wayne, c'est à regarder, il faudrait que je vérifie si John Wayne meurt dans un de ses films, ça me surprendrait. Parce que John Wayne ne meurt pas, ça. Alors dans les vieux, est-ce que quand il est plus vieux quand même, il y a des films qu'il a fait vers la fin? Tu vois mourir? Il faudrait que je revoie, j'ai la vague impression d'avoir vu un film qui ne lui ressemblait pas, vers la fin de sa vie, qui m'étonnait, qui n'est pas vraiment un western d'ailleurs. Mais faudrait que je retrouve... Donc c'est ça, il y a des gens comme ça qui... Les convictions sont très fortes. Ouais. Et toi, est-ce que tu as des projets, hormis la pièce de théâtre que tu prépares, hormis l'autre pièce... étrange, thriller et inquiétant. Ben écoute, ça m'excite beaucoup. Donc je suis beaucoup là-dedans. Après, je flotte un peu en ce moment. Donc c'est pas. Ça t'inquiète pas de pas travailler? Un peu. Et qu'on te trouve un peu fou. Joli Philippe, file au Mexique, des filles du free Philippe, Marlboro et verre de vin. Tu rêves des îles en hiver, des paillettes dans tes yeux mères, quand passe une fine peau de satin. Ton corps ruisselle dans la fièvre. Qu'un jour peut-être une femme t'aimera. Oh joli Philippe, triple vivant, la mort aux dents. Philippe, tu balles ta peau sur le trottoir avec ton talon d'Achille. Dans le bout de tes doigts d'argile pèse le fardeau des jours noirs. fais rien pour provoquer? Ben non, parce que limite, en fait, je profite de ce temps. C'est comme si... Il y a un livre de Paul Auster, comment ça s'appelle déjà? Je suis nulle à me souvenir des noms. Peu importe. Moon. Moon quelque chose. Moon quelque chose? Lune? Moon Palace? Non. Bon, j'ai oublié le nom. En gros, il y a tout un passage où il se retrouve dans son appartement. Il n'a plus d'argent. Et au lieu, il décide de laisser la vie faire. La vie est comme ça, il laisse la vie faire. Et donc, peu à peu, il a plein de livres. Il lit tous ses livres dont il a hérité d'un oncle qui est mort. Il lit tous ses livres, à chaque fois qu'il l'a terminé, il le revend. Donc, il mange comme ça. Peu à peu, il revend tous les meubles, il revend les livres et tout. Il se retrouve sans rien dans cet appartement. Et logiquement, il finit par plus pouvoir payer son loyer. Il se retrouve à la rue. Il laisse toujours la vie un peu le comme mener. Le sait, hein. Voilà. Et il finit dans un parc. Et là, c'est une rencontre SDF carrément. Et c'est une rencontre qui va le faire ressortir de ça, quoi. Une rencontre homme-femme. Une rencontre d'une femme. Okay. Mais une amie en fait. Et elle va l'héberger chez elle. Et ensuite, je crois qu'il rencontre un vieux monsieur et il va devenir son homme de compagnie. Quoi. Il se reprend en main. Il se reprend en main. Il se reprend en main, mais sans jamais se dire « je me reprends en main ». C'est, okay. C'est les rencontres. Bonjour. Moi, j'ai un peu cette perception-là, ou comme dans Miyazaki, cette perception-là de rencontres que tu fais, de choses où il se passe des choses. Donc moi, je sors. Mais c'est vrai que je sors pas avec des CV aucun combat disque, pas là-dessus disque. Là alors je l'ai beaucoup fait, donc c'est aussi peut-être que je m'en suis un peu lassée. Genre je démarche pour aller jouer je monte des tournées quand même, mais en dehors de la France, parce que la musique, genre, ça me donne envie de voyager, et donc je fais ça. Je suis moins dans l'optique carrière que j'avais auparavant de draguer les programmateurs parisiens et de traîner dans toutes ces soirées-là. Ça me gave. Est-ce que tu es une fille qui cherche la perfection dans la création? Non, j'avais le terme, mais je l'ai perdu. Ouais. Ah oui, es-tu une fille anxieuse? Tourmentée? Assez. Je pense qu'on l'est tous, hein. Quelque part, je peux être assez... J'ai des moments de panique. Et comment tu fais pour résorber tout ça? Eh bien, justement, j'essaie d'accepter. Là, j'essaie d'accepter avec... C'est un test pour moi d'accepter cette espèce de vague... De circonstances. De vague où il ne se passe pas grand-chose. Ouais, okay. Je sens que, quelque part, je dérive un peu du milieu de la chanson. Il y a ce petit truc. Mais j'essaie de... Je suis pas sûre que le mieux soit de s'accrocher coûte que coûte. Tu vois, je pense que parfois c'est pas mal de quand même de se laisser dériver, prendre du recul. Et c'est ce que je fais en ce moment. C'est l'été, c'est merveilleux aussi. Hein. Voilà, je vais aider, je donne à manger au SDF à l'heure du déjeuner. J'essaie de voir les choses. Alors tu te ressources en faisant ça. Tu essaies de prendre de prendre la vie comme elle est pour peut-être à un moment donné la ressortir. Ouais. Alors t'es comme ma pire angoisse, c'est de faire un truc coûte que coûte dont je suis pas fière. Quoi. Tu vois. Commande. Ouais. À cause de l'argent. Et puisque comme je te dis, j'ai la chance d'avoir une famille quand même un peu bourgeoise qui peut m'aider et tout. En fait j'en profite. Alors tu reçois un peu de fric ou non? Donc en fait je suis dans un appart qui est vraiment qui me coûte vraiment pas cher. Je leur fais un loyer, mais c'est rien par rapport à... Ouais. Ah. Voilà. Donc rien que ça. Et si j'avais un gros problème d'argent, je pourrais ne plus payer de loyer et là ça irait. Ah oh, ouais, tu verrais quelques billets apparaître aussi, mais juste le fait d'une gratuité au niveau du logement, c'est quelque chose... C'est énorme. Ouais. Oui. Ouais, ouais, c'est énorme. Et surtout le prix des appartements à Paris, c'est exagéré. Ouais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on doit te souhaiter dans les mois et dans les années à venir? Qu'est-ce que tu te souhaites, toi? De réussir à terminer un projet dont je sois fière, okay. contente et que je puisse défendre. Mais est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose? Est-ce que tu sens la flamme? Ouais, je la sens avec ce projet d'immeuble. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas encore fait et qui est là. Il y a une manière d'écrire les chansons aussi parce que du coup, je réécris de manière un peu narrative, littéraire. Il y a un style qu'on n'a pas beaucoup vu, je pense, qui est là. Qui est nouveau et donc j'y crois, ce qui me motive. Je pense qu'il y a quelque chose qui tu vois qu'il y a du potentiel. Ouais. Qui une espèce de fusion entre la littérature et la chanson. Et le théâtre qu'on a peu. Comme on voit souvent. Ouais. Qui raconte toute une histoire qui est vraiment... Puis en même temps, ce que tu m'as raconté, c'est très transportable. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de lourd, il n'y a pas de décor excessif. Donc, tu peux faire ça dans n'importe quel petit théâtre. Il faut juste la trame, des voix, des personnes qui t'appellent. Ouais, des bandes-son, c'est ouais. Ça. Ouais. Sinon, l'éclairage peut suffire. Quelqu'un fait de l'éclairage. L'éclairage peut suffire. On peut être dans l'extravagant comme on peut être dans le minimalisme. Ouais, c'est ça, exactement. On peut avoir des super décors de... Deux immeubles de lumière qui s'allument de fenêtre en fenêtre. Oui, ça fonctionne bien éventuellement. Oui, oui. Voilà. Ça devient le spectacle. Ça peut être un truc. Au Châtelet, tous les éclairages. Tous les techniciens. Exactement. Les machinistes. Et toi dans ta loge, tu te prépares. Seul dans mon immense loge. Exactement, ouais. Avec des fleurs. Hein. Oh, ouais. Tu vois des fleurs, très chères. Ouais. Comme Barbara Streisand. Oui, c'est ça. Ou même Barbara tout court. Ou Barbara, ouais. Mais écoute, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite que ça fonctionne et surtout que tes projets nous conduisent et te conduisent à Québec. Ouais. Parce que ça serait. Je suis venue une fois là-bas, à Montréal en fait. Ouais. J'étais à Montréal et je suis passée à Québec. Donc, j'ai bien aimé. Pourquoi? En fait, c'était pour monter une tournée justement. C'était où? C'était. J'y suis allée pour trouver des bars. Finalement, j'ai fini par jouer dans un petit bar à Montréal. Qui s'appelle? C'était vers... Sainte-Catherine? Ouais, c'était vers Sainte-Catherine. Les Foufouines électriques? Non, c'était juste à côté. C'était vraiment un petit bar. Je sais pas s'il existe encore. Okay. C'était un certain Landriot qui tenait ça. Okay. Je sais pas si... Il avait fait un tube dans les années 90 qui s'appelait « La mort ou la liberté ». C'est-à-dire? Et c'était un anarchiste. La mélodie, je pourrais pas te la ressortir. Est-ce que c'était un grand succès en France ou au Québec? Au Québec, oh, ouais. Je pense. Mm. Et toi, est-ce que tu as eu un certain succès à Montréal? Ah, ben non, c'était quand même... j'ai fait 2-3 concerts, c'était vraiment un petit truc. C'était à l'arrache, quoi. Ok. Le public, comment... Le public était content, mais on n'était pas très nombreux. C'était vraiment comme dans un petit bar avec 15 habitués. C'était pas du tout prévu. Les piliers de bar étaient là. Voilà. Ouais. Et puis ensuite... Québec, tu as chanté à Québec ou... À Québec, j'ai chanté dans la rue à un moment. Ah oui, c'est bien, dans le Vieux-Québec. Ouais. Mais il faut un permis. Oui, c'est... mais là, non. Enfin, c'était un peu à l'arrache. Ok, t'étais... C'était sympa. T'étais... Ouais, mais tu commettais peut-être un acte criminel si tu n'avais pas ton permis. Ah ouais? Ben oui. Ah, je ne savais pas. Ouais? Oui, je crois qu'ils remettent les permis au mois de fin avril, début mai. Et tu vois des gens, quand je travaillais de nuit là-bas, parce que là j'ai changé de boulot il n'y a pas si longtemps, mais tu les voyais arriver à 4 heures du matin pour faire la file. Place d'Youville, en tout cas la file, pour avoir leur vignette d'histoire de chanter. Ah ouais? Il fallait qu'ils passent une audition pas ou pas? Du tout, juste être présent. Il y en a qui sont connus, hein, donc qui n'ont pas... mais les nouveaux, oui, effectivement. Ah ouais? Mais 95% des gens étaient connus. Là, il y a le joueur de harpe, il y a... Ouais. Baisser la garde. Je ne te hais plus, mais sous tes volets je m'attarde. amor, amor de mi vida. Te quería. Je ne te suis plus, tu peux revoir le jour. Je ne te suis plus, mais je chante toujours. Amor, amor de mi vida. Te quería. Tu peux baisser le son. Je ne t'appelle plus, mais je pleure sur ton nom. Amor, amor de mi vida. Te quería. Je ne te pleure plus, allons faire la java. Ne te pleure plus puisque te revoilà. Amor, amor de mi vida, puisque te voilà. Qu'il y avait 200 permis sur à peu près 400 artistes. Ah ouais? Premier levé, premier choisi. Ça allait pas au talent, ça allait... Et ça marche jusqu'à... Ça marche pour tout l'été? Pour l'été, oui. Après ça, c'est terminé. Septembre, octobre, c'est fini. Après. Ah ouais. Quand l'hiver, je te vois pas au mois de janvier, ouais. Je vois de la guitare parce que les doigts vont te tomber. Oui, j'avoue. Mais non, c'est donc, ça... Puis ça coûte un peu d'argent là, quand même, là, la vignette. Là, c'est pas gratuit. Là. Ah ouais, faut payer. Ben oui, faut payer, ben oui. Ah ouais. Mais il y en a qui fonctionnent bien. Il y en a des très bons chansonniers. Il y a des gens qui font ouais, des performances. J'en avais vu un d'ailleurs qui faisait... Je crois qu'il chantait pas mal de Maxime Le Forestier. Un type... Ça, c'était, oui, quand tu es face au fleuve, là. Possible. À Québec? Ouais. Ah, c'est ça, à ouais. Québec. Ouais. C'est ça? Ouais, il y en ouais, a un... Ah ouais? Ah, c'est marrant. Ouais. Mais tu sais, il y a les pionniers, il y a les gens qui sont là depuis 20-30 ans. Et, ouais. Que les gens qui viennent souvent au Québec ou à Québec connaissent un peu les chanteurs et les chanteuses et ils vont revoir. Ah oui. Plusieurs vendent leurs disques. Hein. Et toi, tu me conseilles donc d'aller... tu penses qu'il y a un... Ils en ont pas trop de la chanson française Québec, Québec ouais. Non. Il y a toujours de la place pour les chanteurs, les chanteuses à texte, les chanteurs. Je pense que ça marche bien, donc ça vaut le coup d'essayer de monter une tournée. C'est difficile partout. Hein. Ouais. Ça marche bien. Mais il y a du public en général. Il y a du public. Mm. Ouais. Les gens sortent. Moins l'hiver. Ouais. Il y en a qui. Oui. Ça dépend pourquoi. Hein. Ça dépend pourquoi. C'est sûr que les gens sortent, mais beaucoup. L'été, c'est la bonne période. Ouais. Mais comme je te dis, tu peux pas faire des spectacles plein air si tu n'as pas de vignette. Ouais. Ou c'est illégal, puis si tu te fais pas attraper parce que tu es française et tu le savais pas, ça fonctionne très bien. Ouais, d'accord. Ça, c'est un mot. Bel alibi, bon, ben, je savais pas, monsieur l'agent, puis bon, ça va passer. Ouais, mais m'avait rien dit. Mais après, j'ai pas joué, jouer une demi-heure, trois quarts d'heure, exactement. Tu vois. Je vais pas jouer très longtemps. Puis regardez ce que j'ai fait là, comme argent, là. C'est trois fois rien. Puis, je dois retourner à Paris, donc laissez-moi chanter encore au moins deux, trois heures. Ah oui. Autant pour pouvoir rentrer. C'est ça, voilà. S'il vous plaît, monsieur. Alors, monsieur l'agent. C'est ça, exactement. Hey, merci d'être passé à mon émission. Eh bien, de rien. Puis écoute, tu me remets les liens pour que je diffuse avec notre entretien. Du coup, je te passe ça. Qu'est-ce qu'il faudrait que je te... Alors, je vais essayer de t'envoyer par WeTransfer. Oui. Après, j'ai un bug sur mon ordi, donc je sais pas pourquoi ça marche pas en ce moment, WeTransfer. Mais, non, mais ça presse pas. Sinon, je t'envoie par mail une ou deux chansons. Bah, peut-être plus que ça. Oui, okay. Ou plusieurs mais mails. Mais ça presse pas, il y a rien qui presse. D'accord. Ah, MP3. Et t'en veux une en particulier? T'as écouté un peu? Il y en a une qui te plaît? Oui, ben, j'ai écouté. Je me présente pas. Je fais pas appel à des artistes sans les avoir écoutés. Ouais. Non, mais je suis très ouvert. T'es ouvert. Je suis très ouvert. Bon, alors. Je t'envoie, je vais voir. Mais je veux dire, ça peut prendre un mois ou deux. Là. Moi, je t'envoie les liens, je t'envoie l'enregistrement, sans montage, tu en fais ce que tu veux. Si tu as un site officiel ou éventuellement si tu veux te faire un site officiel, tu peux placer ça là, tu fais ce que tu veux. Ouais. Et là, je vais prendre des photos parce que suite à ça, lorsque je vais te présenter dans le cadre de mon émission, ben j'aime bien que les gens voient la bouille des invités. Ah, donc sur YouTube ou. Non, ben j'ai un site officiel. Ah oui, d'accord, sur le site. Mais ma radio, ben, sur Facebook, là, quand j'annonce l'émission, ouais. Et je mets la bouille de l'artiste avec malheureusement mon visage aussi. Et donc, les gens savent à qui... la personne qui va parler. On voit la personne qui va parler. Ouais. Est-ce que tu comprends un peu le principe? Ouais, je comprends. Voilà, c'est ça. C'est un peu faire un peu comme une pochette. OK. Alors, je fais des pochettes assez... Alors, es-tu prêt pour les photos? Ouais, d'accord. Okay. Mais c'est des photos pas très, très... As-tu vu mon Facebook? Non, mais tu l'as pas regardé, mon Facebook, hein? Ben non, en fait, j'ai pas vu. Moi, je suis une très mauvaise... OK, t'es pas cybernétique, toi. Mais pourtant, t'es jeune. Quoi? Normalement, c'est les vieux qui sont pas cybernétiques. Oui. Boris Berman n'est pas cybernétique. Ah ouais? Il a même sur son cellulaire, on lui a acheté un fil, OK, ouais. Que tu vois sur son cellulaire. Et c'est l'ancien téléphone. Alors, ah, il parle de l'ancien téléphone, un peu comme... Ah non, ouais, c'est oui, bon. Oui, elle était au bar. Oui. Ah oui, c'est Jean drôle. Kijouin, oui, OK, parfait. OK, merci. Ah oui. C'est bien parce que c'est le type qui refuse. Non, mais c'est pas le vieux téléphone avec le gling-gling. Non, mais c'est juste récepteur. Ah, d'accord. Et le vieux récepteur là, avec l'ancien cadran. C'est marrant. Ah, ouais. C'est drôle. Mais ça existe aussi. Tu peux l'acheter, je crois que c'est 8 euros. Ouais. Alors, tu prends ça sur ton iPhone. Ouais. Et ça devient... Ton c'est ça, ton truc, avec le haut-parleur puis le d'accord. Ouais, c'est drôle. Mais ça fait vieux qui veut pas suivre Ouais. Mais c'est tellement rigolo quand tu veux. Ah, c'est de la merde. C'est de la merde d'Internet. C'est de la merde d'un cellulaire. Puis lorsque j'étais à Québec, on s'est appelé deux fois pour convenir d'un endroit. Et là, je sais pas, j'étais à l'extérieur, puis le téléphone sonne et je vois Boris Berman. Je dis oui, bon, il peut pas. J'étais à Québec. Oui. J'ai oui. Ben Boris, c'est Renan. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Ben moi, je veux rien, c'est vous qui m'avez appelé. Il dit ah non, c'est mon téléphone qui vous a appelé. Il doit avoir pesé sur un bouton, là, mais c'était tout à fait surréaliste, le bonhomme. Ah, c'est non, drôle. C'est moi qui t'ai appelé sur mon téléphone. Est-ce que tu connais un peu Boris Berman? Un petit peu, oui. À travers les chanteurs que... Oui, c'est ça. Mais alors, par contre, il faut que je réécoute. Enfin, faut que tu me dises Basso. Un peu... Ah oui, d'accord. OK. Il a écrit de... Mais lesquels de Gabi, Basso? Gabi. Ah oui, ouais. What's the Bird? Ouais. Est-ce que tu connais? Ouais. 82. Ouais. Volontaire, toutes les chansons... D'accord. Je crois qu'il a terminé en 87-88. Après ça, c'était Jean-Paul. D'accord.